tropique. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. Bonjour. L'année 1967 s'achève. Comprendre, elle s'achève, 50 ans après, en cette série d'été. Elle s'achève par ses interrogations. Comment va le monde? Ce sera le sujet du jour. Et comment va la France? Ce sera le sujet de demain. Le monde, cela dépend à quelle période de l'année nous nous arrêtons. Prenons le mois de juin 1967. Une guerre éclair menée en 6 jours, mais dont les effets, 50 ans plus tard, se font encore sentir. Prenons le mois de décembre, c'est l'heure des bilans économiques et sociaux. Juin 1967, donc, le 10 juin 1967 précisément. La France s'embête, plus tard elle s'ennuiera. Actualité internationale, la guerre israélo-arabe et évidemment ses répercussions en France. Un intellectuel, dit Francis Crémieux, qui doit être un guide, qui devrait être un guide, se précipite tête baissée dans le blanc ou dans le noir. Un manifeste, des signatures contradictoires, les créateurs, les écrivains, les scientifiques, mais pas les vedettes de la chanson. Et une guerre qui semble rebattre les cartes. Jean Debert et Francis Crémieux reçoivent 2 signataires de ce manifeste. Monsieur François Mauriac, nous avons été extrêmement émus depuis 15 jours par le remue-ménage et l'espèce d'intoxication dans laquelle nous nous sommes trouvés par rapport à la guerre d'Israël et des Arabes qui est aujourd'hui terminée. Et nous pensons que le problème n'est pas dépassé. Parce que ce qui nous a le plus frappé, c'est cette espèce de véhémence des prises de parti, en général très partisanes, et par rapport à la politique de neutralité qui était celle du gouvernement. Et je dois vous dire très sincèrement que pour ma part, alors là, je n'engage que moi, j'ai été extrêmement étonné de voir votre signature sur un manifeste à côté de d'autres signatures dont dans le voisinage, m'a étonné dans une conjoncture comme celle-là. Eh bien, moi, je m'étonne de votre étonnement parce que j'ai regardez avec attention le texte que l'on me demandait de signer et je ne me suis absolument pas inquiété de savoir qui signait ou qui ne signait pas. Cela ne me paraît avoir aucune espèce, à mon point de vue, aucune importance, parce que je suis le contraire d'un homme de parti et que ça m'est complètement égal de signer avec un communiste ou de signer avec M. Thierry Monnier, qui vient de l'extrême droite. Si ces personnes-là sont d'accord avec moi sur un certain texte, eh bien, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'ils signent. Or, ce texte exprimait très exactement ce que je ressens à l'heure actuelle. C'est-à-dire, moi, je suis un ami. J'ai de grandes amitiés du côté arabe, et tout le monde le sait, n'est-ce pas, puisque je me suis battu bien des fois pour eux. Et pourtant, voilà la contradiction, pourtant dans le cas particulier, j'estime que c'était Israël qui était menacé dans son existence, que Israël a le droit à l'existence et un droit acquis dans des conditions historiques tout à fait singulières, car nous n'oublions pas ce qu'Israël a subi et à quel point il mérite sa victoire. Et par conséquent, tout en étant un ami des Arabes, j'ai désiré et je me réjouis de la victoire d'Israël, je le dis. Alors vous me dites, il y a une contradiction. Eh bien oui, je suis installé dans cette contradiction et j'ai passé ma vie installé dans des contradictions. Si vous mettez le nez dans ce livre qui paraît ces jours-ci de moi, qui est intitulé « Mémoire politique », qui est en réalité un choix de mes articles politiques depuis 30 ans, vous verrez, C'est pour cela qu'on m'a mis dans le dictionnaire des girouettes. J'ai passé ma vie, en effet, à être dans des situations contradictoires parce que je n'ai jamais été, comme vous, Francis Crémieux, inscrit à un parti. Je ne l'ai jamais été. Et par conséquent, je n'ai jamais suivi une ligne fixe, vous comprenez. Est-ce que le malentendu fondamental ne résidait pas précisément dans cette confusion de la question israélienne, qui est une question territoriale, qui est une question politique, qui est une question géographique, avec un problème racial et sensible auquel nous sommes tous infiniment vulnérables? Mais est-ce que ça n'était pas précisément là que résidait le danger? Car en réalité, il s'agit d'un problème de frontières, il ne s'agit pas d'un problème de camp de concentration. Et moi, il me semblait que la confusion entre les deux et que la neutralité du gouvernement reposait précisément sur ce refus de confondre le drame israélien des israélites, des hitlériens, avec le drame israélien qui est un drame de la conquête, qui est un drame de l'installation, qui est un problème de frontières, mais qui devait se régler de sang-froid et pas à chaud. Et c'était de passionner le problème qui me paraissait étrange, surtout étant donné la politique précisément très neutre à cet égard, qui était celle qui me paraissait moi aussi très sage du gouvernement, de ne pas mélanger les deux domaines. Je suis absolument d'accord avec vous, avec De Gaulle. Enfin, j'approuve 100% la politique de De Gaulle, dont nous recueillons déjà les fruits. Et là, sur ce plan-là, je suis absolument d'accord avec vous. Mais pour le reste, pour eux, c'est pour ces passions contradictoires ou ces prises, elles sont défaites en quelque sorte. Vous comprenez, il n'y a qu'à les constater. Moi, je les accepte, quoi. Je les constate. Oui, mais Monsieur Mauriac, comment expliquez-vous qu'un intellectuel qui est tout de même un guide, souvent qui devrait être un guide pour l'opinion, se précipite tête baissée dans le blanc ou dans le noir? C'est ça, moi, qui me choque. Le manque de réflexion. Je vous dirais, par exemple, que lorsque je lis un article de M. Sartre au lendemain de Budapest, disant « je ne serrerai plus jamais la main à un communiste », je suis surtout ému de la rapidité du jugement de cet homme, qui d'ailleurs, quelques mois plus tard, change. Et c'est cette rapidité, moi, qui m'étonne. Oui. Dans la patrie de Romain Rolland, dans la patrie de Descartes, on n'a pas gardé raison. Mais vous êtes moins étonné quand c'est un communiste qui dit « je ne veux plus rien avoir à faire avec ce ravisqueux » en parlant de Sartre. Absolument, oui, je le déplore tout autant. Non, ne croyez pas que ce soit une attaque. C'est la rapidité. Oui. Où est le côté? Je trouve qu'il y a un côté défense de l'Occident d'Henri Massis beaucoup plus qu'un côté au-dessus de la mêlée. Et De Gaulle a une position beaucoup plus près de celle de Romain Rolland. C'est parce que De Gaulle est un des rares Français avec moi, à n'être pas justement embrigadé. Tous ces intellectuels français, qu'ils soient inscrits ou qu'ils ne soient pas inscrits à un parti, sont tout de même d'un parti. Vous me direz vous-même, vous êtes d'un parti puisque vous êtes gaulliste. Mais non, je crois qu'il y a une certaine race de gaullistes, en tout cas De Gaulle en est bien le type, qui sont, si vous voulez, des hommes venus de la droite, mais qui ont toujours fait la politique de la gauche, en réalité. Mais est-ce que vous croyez que les hommes de droite qui sont dans cette liste peuvent s'amalgamer longtemps avec les hommes de gauche? Non, bien entendu. D'ailleurs, vous savez, il y en a un que je ne veux pas nommer, dont la signature m'a beaucoup étonné, mais que j'avais vu la veille, ou quelques jours avant, à l'Académie. Et j'expliquais à ce confrère que j'étais, moi, très partagé, enfin que j'avais des amitiés dans les deux camps et que j'étais dans une espèce d'état de non-choix, enfin, pour des raisons différentes. Alors il m'a dit, moi c'est la même chose que vous, mais pour une raison très différente, c'est que je les déteste tous les deux. Enfin, il ne me l'a pas dit si brutalement. Mais c'était le sens, vous comprenez? Moi, je lui disais, au fond, je les aime tous les deux pour des raisons différentes. Et lui me disait, moi, je les déteste tous les deux. Naturellement, un antisémite. un antisémite n'a pas de raison de détester Ismaël plus qu'Israël. Enfin, ah oui, mais ils sont devenus très pro-israéliens, beaucoup, hein, pour des raisons militaires. Mais alors, je constate que, en voyant sa signature, j'ai constaté que tout de même, il avait choisi. Mais alors, justement, vous n'avez pas répondu à mes questions sur la rapidité de décision des intellectuels. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous pensez que cette raison gardée doit redevenir le mot d'ordre dans une période de crise? Vous savez, moi, vous savez, à 81 ans, je n'attends rien des intellectuels. Absolument rien, vous comprenez. Je ne leur demande rien et je n'attends absolument rien d'eux. C'est des non-intellectuels que j'attends quelque chose, quelquefois, enfin. Mais quand vous avez des pages entières de journaux... Mais l'idée d'aller demander des directions à Jean-Paul Sartre, ou à M. Revel, n'est-ce pas? Bien, non, ça ne traverse pas mon esprit. Alors, qui impressionne l'opinion publique? Jean de Berge, peut-être vous avez quelque chose à dire. Qui impressionne l'opinion publique? Il fut un temps où la présence de grandes vedettes du disque et de la chanson était une caution, sur le plan de l'agitation, importante pour une lutte. Maintenant, on abandonne les grandes vedettes de la chanson. Ce ne sont plus les baladins qui forment l'esprit public, ce sont à nouveau les créateurs, les écrivains, les scientifiques. Mais alors, s'ils ne disent rien, qui alerte l'opinion publique? Mais ils disent quelque chose. Moi, ce que je regrette, c'est pas ça, c'est que quand je parlais au début d'intoxication, c'est parce que j'ai eu le sentiment pendant 15 jours que d'une campagne de presse extrêmement orchestrée et parfaitement consciente de ses fins et de ses moyens, était en train de préparer l'opinion à l'idée qu'Israël allait être attaqué et qu'il allait être obligé de se défendre. C'est vrai ou c'est pas vrai, l'histoire nous le dira. Ce qu'il y a de certain, c'est que la contre-thèse, si je peux dire, le point de vue du monde arabe, n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer avec la même clarté. Dans ce contexte, j'ai le sentiment que beaucoup d'intellectuels se sont précipités d'une façon passionnelle et insuffisamment informés dans une attitude qui est peut-être conforme à la réalité, mais qui n'est pas conforme à la réalité parce qu'ils sont informés, mais parce qu'ils ont été pris dans une contagion. Alors je me demande si le rôle d'un intellectuel, pour prolonger la question de Crémieux, est de, si vous voulez, de suivre les passions populaires ou d'être mieux informé ou d'attendre d'être mieux informé. Les précéder quelquefois, oui, car je crois que ce manifeste a été à l'origine d'une mise en condition psychologique d'une population de bonne foi. Il était extrêmement... Vous l'avez lu, ce manifeste? Je l'ai là. Il est vraiment... Il vous choque? Il me choque un peu. Je dois dire qu'il me choque beaucoup plus par l'amalgame des signataires... Ah non, mais... ...que par le contenu. Non, mais moi je n'avais vu aucune signature. Ah. Mais moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est les menaces de détruire un État au mépris du droit international et de la morale humaine. Ah, si vous voulez la détruire. Ah oui, mais alors justement. Enfin, les faits montrent que c'est pas eux qui ont tiré et qui n'ont même pas répondu. Il y a plus que ça. C'est là où c'est. Les menaces de Nasser étaient très nettes. Eh bien, nous avons eu en main les verbatims de la fameuse conférence de presse. Vous me direz que c'est une clause de style, mais toutes les phrases qui se terminent par nous détruirons Israël commence par « si la guerre nous est imposée, si on nous attaque, nous nous battrons et nous détruirons ». Ce qui n'est pas le cas de M. Choukairi, qui se livre à beaucoup plus de gesticulations verbales. Mais l'homme d'État Nasser n'a jamais perdu son sang-froid et on trouve dans aucun texte de lui « nous détruirons ». Il est vrai qu'il a peur d'être dépassé, certainement, mais il ne l'a jamais dit. Alors le génocide... Oui, des hommes peuvent de bonne foi croire qu'il y avait menace de génocide, mais le croire et le publier en affiche et rattraper, prendre le relais, comme dit M. Soustelle, de la lutte contre Ben Bella, car M. Soustelle a bien écrit dans Combat, ceux qui ont laissé entrer Ben Bella à Alger sont ceux qui veulent laisser entrer Nasser à Tel Aviv. Et d'où les avertisseurs et les coups de trompe qui ne sont pas devant le mur des lamentations, mais qui étaient dans les rues, vous avez entendu. Alors voilà, nous demandons s'il n'y a pas eu un mauvais coup. C'est pas le fond du problème qui est grave, parce que lui, il a sa réalité, et il y a une grande partie qui est vraie. Mais c'est cette espèce de précipitation dans un seul camp, au risque, et qui est peut-être plus qu'un risque, de compromettre d'une façon grave, et peut-être pas involontaire dans certains milieux, la réconciliation avec l'islam qui avait été si largement entamée. Et moi je me demande s'il n'y a pas eu là un coup monté, auquel on a donné la main et qui dépasse de beaucoup le problème d'Israël. Parce que la preuve, elle est faite que Israël, les Égyptiens étaient à peu près, ils savaient bien au fond, les gens avertis que la guerre serait perdue. Et Israël pouvait négocier sous la pression américaine et sous la pression soviétique avant les opérations et pas nécessairement après. Enfin, voilà, vous ne nous laissez pas le mot de la fin. N'avez-vous pas senti un double mouvement anti-gaulliste et anti-communiste? Et anti-arabe. Et sous le dôme de l'anti-arabisme, oui. Pendant ces 15 jours. Je l'ai senti, naturellement, très, très vivement. Comment dirais-je, je ne crois pas que ça pouvait être autrement. Je veux dire que, étant donné ce qui s'est passé entre nous et le monde arabe, eh bien, les réactions qui se sont produites ne pouvaient pas ne pas se produire dans le public français. Mais ce qui me paraît important, c'est que la politique française soit pensée par un certain cerveau et dirigée par une certaine main. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les Français peuvent... Dormir tranquille. Pas dormir tranquille, mais... Avoir des réactions passionnelles, oui, exactement. Dans cette émission, nous nous servons souvent d'un mot qui est un mot à la mode, le mot mutation. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au lendemain du cessez-le-feu, dans cette guerre israélo-arabe, il va y avoir des mutations. Ça s'appelle des rectifications de frontières, ça s'appelle des réunions diplomatiques, des commissions d'armistice, mais il y aura des mutations. Nous avons demandé à Jean Dutour, qui est l'un des signataires d'un manifeste de solidarité avec Israël, manifeste qui a été proposé à sa signature il y a une dizaine de jours, de nous parler un petit peu de la responsabilité des intellectuels dans une crise de cet ordre. Eh bien, la première question, c'est que on a beau être intellectuel, on n'en est pas moins homme. C'est-à-dire qu'on a une petite tête folle, on a un petit cœur qui bat d'un côté ou qui bat de l'autre. Il y a une dizaine de jours, lorsque on m'a présenté ce manifeste à signer, moi je ne signe jamais de manifeste par principe, mais enfin, celui-là est arrivé par la poste, il y avait une enveloppe pneumatique toute timbrée pour répondre. Il y a une dizaine de jours, la guerre, comme vous le savez, n'était pas commencée. Nous avons beau lire, nous lisons comme tout le monde, nous les intellectuels, c'est-à-dire en sautant des mots et en sautant aussi quelquefois des phrases, et puis aussi nous lisons un petit peu les yeux fermés. Bon, alors on s'est dit, moi je me suis dit, voilà un petit peuple courageux, un petit peuple qui essaye de défendre son droit à la vie et son droit à avoir un territoire qu'il a attendu pendant des siècles et des millénaires. Il est entouré d'un tas de grands méchants qui veulent sa mort, qui le disent d'ailleurs d'une façon, je le dis en passant, d'une façon très maladroite, car il y a eu des outrances verbales extravagantes de la part des Arabes. Ils voulaient tuer tout le monde, nettoyer de la face du globe, nettoyer les Juifs de la face du globe. Enfin, on a de nouveau entendu des paroles de 1943, de 1942. C'était Hitler qui reparlait par la bouche de Nasser. Alors, on a été très agacés. On a eu cette réaction sentimentale. J'avais ce petit texte à signer. Ce que j'ai vu surtout dans ce texte, c'était, mon Dieu, quelque chose qui allait un petit peu dans le sens de la politique gaulliste, à savoir il fallait à tout prix que les grandes puissances s'entremettent pour qu'il n'y ait pas de guerre et pour qu'on continue à laisser vivre Israël. Je vous assure, il y a une dizaine de jours, l'opinion publique, qui, comme dit Chamfort, est très souvent la plus mauvaise des opinions, eh bien, l'opinion publique, elle voyait véritablement Israël pilonner, démolir, ratisser. Et puis, il y a eu la guerre, cette guerre éclair formidable, et Israël a montré qu'il était un État très armé, très prêt à faire la guerre, qu'il l'a faite d'une façon très énergique, très violente et très décisive. Et à ce moment-là, maintenant que Israël est vainqueur, évidemment, tout est changé, et nous sommes bien obligés de nous dire que nous avons peut-être signé un petit peu vite et que l'agresseur n'était pas celui que nous pensions. Parce que voyez-vous, je ne voudrais pas qu'il se produise de malentendu, ni dans votre esprit, ni dans l'esprit de nos auditeurs. Il est parfaitement naturel que Israël défende ses frontières. Je dirais même que, étant donné les sentiments qui ont couru, il n'y a pas très longtemps encore, dans certains livres, à l'égard de l'incapacité de combattre des Juifs, même dans les camps de concentration, il y a eu des livres extrêmement féroces à cet égard sur le fait que les Juifs se sont laissés plus ou moins griller, sans défense, sans bouger, etc. Il était à la fois intéressant et important, je dirais même essentiel, pour l'État d'Israël, de montrer que quand ils existent, quand ils ont une véritable réalité nationale, ils sont d'extrêmement bons soldats, aussi équipés, aussi armés. Alors cette démonstration de courage était un phénomène qui est incontestable et qui rejoint le droit à l'existence d'Israël. Et sur ce plan, je crois que, enfin, en tout cas pour ma part, il ne me paraît pas qu'il puisse y avoir de doute ou d'hésitation. Ou le doute... Le bas vous blesse. Me blesse, c'est quand je me dis, mais... En réalité, tout ce que nous voyons, nous le savions avant, que déjà en 1956, Israël a pris l'initiative des opérations belliqueuses. Elle a déjà remporté la guerre avec une extrême rapidité, une extrême facilité. Son potentiel militaire n'était pas du tout négligeable. Et un Français ne peut tout de même pas considérer que d'être équipé avec des avions de chasse français, c'est être dans une situation inférieure par rapport au monde arabe, parce qu'ils ont des avions soviétiques ou américains. Par conséquent, cette démonstration était bonne, mais alors, on se dit, est-ce qu'il était nécessaire de se précipiter dans un sillage où on a rencontré tant de choses suspectes, tant de choses qui traînaient de la guerre d'Algérie, d'un contre-racisme, de vieilles vengeances, de revanche des rapatriés, etc. Où on est tenté de se dire, mais c'est curieux que cette compagnie si mélangée n'ait pas donné l'éveil sur les arrière-pensées. Mais mon cher Jean de Berre, je suis absolument de votre avis. Je n'ai pas signé avec une espèce de flamme. Ah non, mais ce n'est pas la signature. J'ai pensé en effet que je m'agrégeais à toutes sortes de gens qui ne me plaisent pas, mais que encore une fois, il s'agissait d'apporter le petit soutien minuscule et purement théorique d'une signature à un petit peuple qui me semblait en péril et qui, au fond, ne l'était pas, bien sûr. Voilà, mais là, c'est tout. Je ne cherche pas du tout à me justifier. Mais il ne s'agit pas du tout non plus de critique. C'est surtout un problème de responsabilité des intellectuels, parce qu'il nous a paru, à Francis Crévieux, à moi, que finalement, les intellectuels... n'ont peut-être pas une conscience suffisante de leur écho. Peut-être qu'ils font, je ne dirais pas un complexe d'infériorité, mais en tout cas, ils sont trop modestes à cet égard. Ce qui est intéressant dans Le Monde contemporain, qui est le titre de notre émission, c'est de savoir pourquoi, avec ou sans le conseil de spécialistes de la guerre psychologique, on attache plus d'importance à la signature de Jean Dutour, de Hachard, de Druon, que à la signature d'un député d'un petit coin de France qui a tout de même 50 000 électeurs, enfin, ou de Johnny Hallyday. Il y a là quelque chose de très curieux. Vous voyez, c'est ça qu'on cherche. Oui, est-ce que ça n'est pas un phénomène propre à la France? Est-ce que le poids des intellectuels est aussi lourd dans les autres pays qu'il n'est en France? Oui, aux États-Unis, il y a des grandes pages sur la guerre du Vietnam avec des auteurs dramatiques. Mais ça n'a pas le même poids sur l'opinion. Oui. Parce que je vous renvoie à une phrase de Balzac qui m'a beaucoup frappé lorsque je l'ai lue il y a des années, qui se trouve, je crois, dans Honorine, « La littérature, passion nationale des Français ». Mais la littérature étant la passion nationale des Français, il est assez normal que les écrivains, ou intellectuels, c'est-à-dire écrivains apparentés, disons, est un poids plus puissant qu'un député qui, en général, est un homme anonyme, mais puis qui ne peut être député qu'une législature, tandis qu'un intellectuel, il l'est toute sa vie. Il y a des précédents. Oui. Le manifeste pour la défense de l'Occident d'Henri Massis, ou les manifestes d'intellectuels au moment de la guerre d'Espagne, prouvent que c'est une tradition française. Mais plus ancien que ça, et Zola, Victor Hugo, et Montaigne, et Chateaubriand. Voilà. Vous avez donc, vous, créateur, romancier, critique dramatique, une audience. Donc vous devez peut-être faire plus attention qu'un autre à l'utilisation, à la contamination possible de votre audience. Vous avez tout à fait raison. Et c'est, enfin, pour reprendre mon petit cas particulier qui n'intéresse pas grand monde, mais qui m'intéresse moi. Pourquoi est-ce que vous croyez que nous sommes... Vous n'êtes pas accusé, en général, vous êtes témoin. Oui, mais je me sens un petit peu accusé parce que j'ai fait une chose que je ne fais jamais, qui est de signer un manifeste. On me présente très souvent des manifestes à signer pour ceci, pour cela. Bon, Quand j'étais un petit peu plus jeune, j'ai signé des manifestes comme ça. Je me rappelle avoir signé presque au même moment un manifeste pour la grâce des Rosenberg et un manifeste pour sauver Slansky à Prague, ensemble. Oui, c'était bien. Alors, j'étais le seul à figurer sur les deux listes, d'ailleurs, et ça m'a assez amusé. Bon. Mais enfin, je ne signe presque jamais ou jamais de manifeste parce que je pense que un écrivain n'a à signer que les choses qu'il écrit et non pas les choses que les autres écrivent à sa place, d'une part. Et puis d'autre part, j'ai aussi une espèce de modestie, disons même d'humilité. Il y a un certain nombre de problèmes sur lesquels je ne me sens pas vraiment informé ou pas informé du tout, et j'ai pas de position à prendre et j'en prends pas. Là, j'ai dérogé à mon principe, j'étais visiblement mal informé dans l'affaire Israël-Pays arabe, j'ai signé, et puis voilà. Oui, mais voilà, mais vous êtes dans le cas de... Des millions de Français auraient peut-être signé si on leur avait proposé la signature. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une histoire de race blanche, inconsciemment, qui traîne derrière tout ça? Est-ce qu'il ne nous paraît pas que parce que les Israéliens appartiennent tout de même un peu à notre confrérie, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une espèce de détachement à l'égard de la race jaune, de la race noire les guerres au Congo n'ont jamais déclenché les réactions d'intellectuels à ce point. Ah, vous savez, c'est le système. Le blocus de Cuba non plus, les tortures d'Haïti non plus. Je vous répondrai ce que disait Racine dans la préface de Bajazet. L'éloignement géographique compense l'éloignement historique. On peut faire des tragédies avec des choses contemporaines à condition qu'elles se passent très loin. Ces pauvres Arabes pour lesquels je me sens maintenant de nouveau de la solidarité, maintenant qu'ils ont été vaincus, ces pauvres Arabes ont été d'une maladresse extraordinaire avec leur vocifération. Il faut bien le dire, on ne dit pas des choses comme celle-là. Pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, nous traînons évidemment des tas de complexes. Ces 10 ou 15 ou 20 années de décolonisation que nous avons derrière nous, ça s'est pas fait comme une opération mathématique, ça a été une opération sanglante, saignante, enfin notre chair elle a souffert, même quand on partageait les principes et les positions de la politique gaulliste comme ça et comme c'est mon cas depuis 10 ou 15 ans, c'était quand même pas plaisant de voir les choses comme elles se sont déroulées. Alors on en a gardé des rancunes, des rancœurs, même lorsqu'elles n'étaient pas conscientes, même lorsqu'elles nageotaient tout au fond de l'inconscient. On n'était pas tellement fâchés que Nasser soit embêté. Hein. Il nous a embêtés lui aussi, Nasser. Bon, je vous parle de choses sentimentales. Ne prenez pas ce que je dis comme des déclarations politiques. C'est véritablement un petit essai d'analyse sentimentale de ce qui a pu nous pousser, nous autres, même des gens comme moi qui, en principe, devraient être un petit peu plus sages, un petit peu plus sages, un petit peu plus prudents ou un petit peu plus réfléchis que les autres, dans la mesure où nous avons en effet une certaine audience, une petite audience. Est-ce que vous savez qu'il y a une personnalité arabe, dont j'ignore du reste complètement la profession, qui a écrit il y a quelques jours « Les Occidentaux ont un tel complexe de culpabilité à l'égard des Juifs, et avec raison, dit-il. » Oui, oui. « Que... ils se croient aujourd'hui tenus de prendre inconditionnellement parti pour eux, quelle que soit la cause dans laquelle ils sont engagés. » C'est très vrai, bien sûr. Et il est probable qu'il y ait eu beaucoup de ça dans cet engagement, parce que le fond du problème n'est pas contestable, la manière dont il s'est posé l'est davantage, et c'est le fond de notre histoire. Mais ça, alors, je m'excuse de me citer, mais en 1956, j'ai écrit un petit livre qui s'appelait « Les taxis de la Marne », j'ai écrit quelque chose comme ça, je me sens responsable de Dachau. Comment expliquez-vous que dans ce pays de France, qui a éloigné de lui non seulement la guerre qu'il faisait, mais même la volonté de s'intégrer à une guerre future, il n'y ait pas une réaction beaucoup plus en faveur d'une négociation, en faveur de la paix, pour stopper les préparatifs de guerre chez les intellectuels? Comment ça se fait, ça? Parce que c'était la position du gouvernement. Parce que la politique de la France est une politique extrêmement sage et prudente à laquelle j'adhère complètement. Je trouve que la politique de De Gaulle, et particulièrement dans toute cette affaire, a été remarquable. Mais quand un pays fait une trop bonne politique, une politique trop sage, une politique trop prudente, le pays s'embête, c'est évident. Alors il veut faire des bêtises. Alors nous autres intellectuels, nous avons fait des bêtises, nous nous sommes laissés aller à notre petite passion. Alors c'est pas parce que nous autres, les intellectuels, nous avons dit comme à notre habitude des bêtises que ça change grand-chose. Non, certains intellectuels. Ce qui est très frappant, c'est que bien d'autres intellectuels n'ont pas signé ce genre de choses. Maintenant que nous voyons, comme dit Froissart, que David sortait de Polytechnique et que le pauvre Goliath n'avait pas son certificat d'études, évidemment, nous avons révisé notre position, nous avons parlé un peu vite. Vous êtes donc pour l'alphabétisation politique de tous les peuples, qui doit déboucher non sur la guerre, mais sur la paix. Oui, moi je suis pour la paix, mais de toutes les façons possibles, fort l'honneur, bien entendu. Extrait de l'émission Le Monde Contemporain. François Mauriac et Jean Dutour étaient successivement au micro de Francis Crémieux et Jean Debert le 10 juin 1967. J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmure paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu, danger, frontières. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Son ombre, sa tendre épouse, son amie, qui repose sur les décombres, prisonnière en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si cervelés qu'ils me répudieront si j'ose. Dieu de l'enfer ou Dieu du ciel, toi qui te trouves où bon te semble, sur cette terre d'Israël, il y a des enfants qui te rendent. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Les programmes radiophoniques de décembre sont une bénédiction pour qui songe, un bel été, longtemps après, par exemple 50 ans après, dresser le bilan d'une certaine année, quelle qu'elle soit. Ce qui s'est passé dans le monde en 1967, il serait étonnant et contraire à tous les usages que personne, à la radio, en fin d'année 1967, n'ait pensé à réunir quelques spécialistes, un étranger, un français, pour qu'ils se livrent à une récapitulation suivie d'une évocation des possibles perspectives. Problèmes internationaux. Un magazine de l'actualité radiophonique dirigé par André Blanc. Dans le domaine de la politique internationale, c'est une année bien lourde qui s'achève. Le problème du Moyen-Orient n'est pas réglé, la guerre du Vietnam semble s'orienter vers de nouvelles escalades. La crise grecque, toujours actuelle, les troubles qui ont secoué l'Afrique noire et les incertitudes de la révolution culturelle chinoise sont autant de sujets d'inquiétude. Pour le monde occidental, la crise du sterling, l'inconnu qui pèse sur le dollar, donc sur le système monétaire international, la crise économique britannique, le désir de Londres d'entrer à tout prix dans le marché commun, ont souvent été traités dans nos précédents magazines. Aujourd'hui, sous le titre « Un an d'événements internationaux », Charles Hargrove, correspondant du Times de Londres à Paris, et Maurice Delarue, chef du service étranger de France Soir, répondent à notre collaboratrice Louise de Béat. Je voudrais vous demander d'abord, à l'un et à l'autre, quel est l'événement qui, pour vous, a le plus marqué la vie internationale de 1967. Maurice Delarue. L'événement le plus lourd de conséquences, c'est la dévaluation de la livre. C'est peut-être limité comme événement présenté tel quel, mais là-dedans, je recouvre tout ce qui concerne la bataille des monnaies internationales, la mise en cause des monnaies internationales, c'est-à-dire la livre et le dollar, qui ne sont plus en fait considérés comme de l'or, je crois, par personne. Je crois que c'est ça l'événement le plus lourd de conséquences pour l'année qui vient. Ça peut être dangereux d'ailleurs pour tout le monde parce que ça peut provoquer un ralentissement de l'expansion économique mondiale. Mais je suis persuadé que c'est ça le grand événement et que les choses ne peuvent plus durer comme elles ont duré. Je ne dis pas du tout que le général de Gaulle ait une solution dans sa poche. Avec la solution de l'or, mais je pense qu'il a vu depuis longtemps, qu'il a annoncé depuis longtemps la crise qui se préparait, et que ce serait être très injuste avec lui que de dire que c'est lui qui a provoqué cette crise. Cassandre n'est jamais bienvenu, on n'est jamais content d'annoncer les mauvaises nouvelles, on n'est jamais content de les entendre, et on est encore plus mécontent quand elles se réalisent. Alors on ne lui sera jamais gré d'avoir prévu cette crise, mais cette crise est importante, je crois qu'elle n'est pas terminée, et ce sera le grand événement de l'année prochaine, c'est le développement de cette crise monétaire internationale. Charles Hargrove, êtes-vous de l'avis de Maurice Delarue ? Pas tout à fait, je dirais que, je ne sais pas, je ne voudrais pas présumer du grand événement de l'année prochaine, mais je sais quel était le grand événement de cette année, en tout cas en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et moi-même en particulier, ça a été évidemment la seconde tentative de la Grande-Bretagne d'entrer en Europe et l'échec de cette tentative devant le refus français de considérer la perspective de négociation entre les six et la Grande-Bretagne. Cela dit, je ne crois pas que ce chapitre soit clos. Au contraire, le gouvernement britannique a déposé sa demande, il ne l'a pas retirée, il n'a aucune intention de la retirer. La question reste sur le tapis. Elle continuera, sinon à dominer l'actualité internationale l'an prochain, du moins à dominer les préoccupations de nos six partenaires, ou plutôt partenaires à venir du marché commun, car je suis convaincu que tôt ou tard, mais pas certainement l'année prochaine, l'Angleterre entrera dans cet organisme et entrera, comme on dit, en Europe. Maurice Delarue. Mais il ne s'agit là que d'un autre aspect, un aspect plus particulier du même événement, oui, qui est celui de la crise monétaire. Parce que pourquoi est-ce que, je ne dis pas la Grande-Bretagne, mais M. Wilson, en tout cas, a-t-il posé avec une insistance et une précipitation considérable la candidature britannique ? Et pourquoi le général de Gaulle, pourquoi le gouvernement français l'a-t-il repoussé ? En tous les cas, quel argument donne-t-il ? Et on pourrait presque dire, quel argument unique ? C'est ça qui s'est passé d'important pendant les débats de Bruxelles. Eh bien, la raison anglaise, au fond, la raison de fond, c'est les difficultés économiques et monétaires britanniques. Les Britanniques ont voulu se sortir d'un mauvais pas. Et bien sûr, il y a des Britanniques qui voient les choses beaucoup plus loin, qui veulent faire l'Europe. Mais M. Wilson, c'est tout à fait évident, et Lord Chalfont ont voulu sortir la Grande-Bretagne d'un mauvais pas, ils se sont précipités dans l'Europe pour trouver une planche de salut. Et le général de Gaulle n'en a pas voulu parce que, justement, l'Europe n'est pas faite pour ça, l'Europe est faite pour elle-même. Évidemment, ça aidera la Grande-Bretagne. Évidemment, le choix, d'ailleurs, qu'a fait la Grande-Bretagne de s'orienter vers l'Europe l'aidera, finalement. Mais il faut que l'économie britannique soit en bonne forme. Finalement, il y aura une solution qui englobera l'entrée de la Grande-Bretagne en Europe et la réforme monétaire internationale, sous une forme ou sous une autre. Tout ça ne se produira probablement pas à grands coups de conférences spectaculaires, peut-être de parlotte de techniciens et d'hommes politiques. John Hargrove, pensez-vous que la Grande-Bretagne puisse remettre dans un délai assez rapide de l'ordre dans ses affaires, tant financières qu'économiques? Et que pensez-vous du récent et tout dernier sondage qui indique une perte de vitesse, mais très grande, pour le Parti travailliste? Le rétablissement de la situation économique en Grande-Bretagne est surtout un facteur psychologique. Et il est certain que la perte de vitesse du parti travailliste est une conséquence inévitable à la fois de l'échec des négociations ou de la tentative de négociation avec les six, du rétablissement de la balance des paiements et de toutes les difficultés économiques dont nous venons de discuter. Mais ce choc psychologique, c'était l'Europe qui devait le donner. Et c'est pourquoi je voudrais reprendre un peu ce qu'a dit mon ami Maurice Delarue et faire remarquer que pour la Grande-Bretagne, cette aventure européenne n'était pas seulement une entreprise de rétablissement économique. Loin de là. Elle ne l'est pas seulement. Mais je ne dirais même pas, et je ne sais même pas si elle était à l'origine une tentative de rétablissement dans le sens où on peut discuter du fait qu'il eût été plus facile pour la Grande-Bretagne de rétablir sa situation par d'autres moyens qu'en assumant toutes les difficultés que comportait l'adhésion au marché commun. Ce seraient des solutions très limitées, ça. Ce seraient des solutions qui ne tiendraient pas longtemps. La solution, vous le savez bien, c'est l'orientation de la Grande-Bretagne vers l'Europe. Les empires coloniaux sont évidemment terminés. Le monde se transforme et l'avenir de la Grande-Bretagne est en Europe, vous le savez bien. Oui, mais il y a la solution du 51e État qui attire encore un certain nombre de Britanniques, n'est-ce pas? Autrement dit, la cause de l'Europe, à tout prix ou à n'importe quel prix, n'est pas entendue. Je veux dire par là que certainement un bon nombre d'Anglais qui sont foncièrement européens ne sont pas prêts à être, par exemple, européens dans le sens où l'entend le général de Gaulle, c'est-à-dire à faire une politique qui est nécessairement hostile ou, pour employer un terme peut-être plus nuancé, indépendante des États-Unis. Ah, pourquoi pas? Alors là, je ne vous suivrai pas du tout. Et d'ailleurs, je suis persuadé que finalement, les Britanniques ne vous suivront pas non plus. Pourquoi voudriez-vous que l'Europe ne soit pas indépendante? L'Europe ne peut pas être, ne doit pas être, ne peut pas être un protectorat américain. On décolonise tout. Pourquoi voudriez-vous coloniser l'Europe? On peut dire que peut-être le général de Gaulle ne s'y prend pas bien. Ça, on peut discuter. Je veux bien. Mais je crois d'ailleurs que M. Wilson est bien d'accord avec lui là-dessus. Il dit, mais pourquoi voulons-nous être en Europe? C'est pour faire l'Europe indépendante. Lui-même le dit aussi. Non, je voulais seulement dire, par ce terme d'indépendance, on entend souvent en France une politique d'hostilité assez systématique aux États-Unis. C'est du moins ainsi que cette politique paraît à beaucoup de gens. Vous me direz qu'il peut y avoir là-dessus des différences de point de vue, mais le fait reste que le général de Gaulle paraît depuis quelques années poursuivre une politique qui est systématiquement hostile aux États-Unis, que ce soit sur la question du Vietnam, que ce soit sur la question du dollar, que ce soit sur la question de l'entrée de la Grande-Bretagne. Écoutez, franchement, si la France menait une politique systématiquement hostile au dollar, par exemple, au lieu d'annoncer les catastrophes comme il les annonce, il changerait le paquet de dollars important dont la France dispose actuellement. Et contrairement aux règles qu'il s'est données, c'est-à-dire de changer systématiquement les dollars en or à partir d'un certain plafond, eh bien justement, nous ne le faisons pas, nous ne l'avons pas fait pendant cette crise pour justement éviter une catastrophe sur le dollar. Parce que là, le gouvernement français aurait un moyen vraiment facile de relancer la crise. Oui, c'est exact. Il ne le veut pas et je crois qu'il a raison. Maintenant, on pourrait peut-être aborder un problème qui est permanent, c'est celui du Vietnam et aussi celui du Moyen-Orient. Et enfin, d'autres affaires qui troublent le monde actuel. Maurice Delarue. Écoutez, sur le Vietnam, je crois malheureusement qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On en est à peu près au même point qu'au 1er janvier de cette année. Et pourquoi enfin, tout ce qui s'est passé, c'est que les choses se sont finalement aggravées. Les Américains ont envoyé des renforts, ils ont essuyé plus de pertes, les Nord-Vietnamiens aussi. On a commencé à voir des espèces de batailles d'un style, si l'on peut dire classique, je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais c'est ce qui s'est produit à Dak Tho. Et on ne voit pas du tout la fin politique de cette affaire. Évidemment, les Américains ont essayé d'installer, avec d'ailleurs une certaine, je ne dirais pas un certain succès, mais une certaine bonne foi, un régime démocratique au Sud-Vietnam. Et s'il laissait vraiment s'installer un régime national au Sud-Vietnam, je crois que les affaires seraient assez vite réglées, parce que finalement, ces Sud-Vietnamiens n'auraient qu'une idée, c'est d'être de vrais Vietnamiens nationalistes, et ils feraient la paix avec ceux du Nord et s'entendraient très bien avec eux. Ce qu'il faut faire, c'est que les Américains laissent les Vietnamiens tranquilles, mais on ne voit pas ça venir. Mais ce qui me frappe dans la situation vietnamienne, c'est qu'en fait, il n'y a aucune solution évidente, n'est-ce pas? Non. La solution qui consiste à préconiser le retrait des troupes américaines comporte le risque en elle-même d'une extension du communisme dans le sud-est asiatique avec des conséquences désastreuses, par exemple, sur le Japon et sur plusieurs pays qui, jusqu'ici, ont réussi à se maintenir contre la poussée de l'idéologie communiste. On ne peut pas simplement créer un espèce de cordon sanitaire autour du Vietnam et empêcher cette idéologie de s'étendre, d'autant plus que vous avez dans le sud-est asiatique 20 millions de Chinois ou d'outre-mer qui attendent le moment où le vent va tourner et qui, dès que l'influence communiste chinoise paraîtra dominante, se retourneront vers Pékin, avec des conséquences incalculables. Oui, mais combattre le communisme n'est pas du tout un but dans l'existence, ni des personnes, ni des nations. Le communisme existe, et ce qu'il faut faire, c'est de le rendre inintéressant pour les gens qu'il séduise. Nous n'aimons pas ça. Bon, c'est une affaire entendue. Mais ce n'est pas en combattant le communisme avec des canons qu'on arrivera à quelque chose. Oh, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai vécu assez longtemps en Extrême-Orient pour me rendre compte que on n'apprend pas la démocratie à des gens qui meurent de faim. Mais d'un autre côté, n'est-ce pas? Et je ne dis pas que les Américains aient eu raison de s'imbriquer dans cette situation vietnamienne, mais il est certain qu'ils ont quand même voulu arrêter une poussée d'un communisme, non pas idéologique, mais militant, militaire. Ils l'ont en grande partie provoqué, parce que les Vietnamiens en général, et les Nord-Vietnamiens en particulier, ne sont pas des gens qui sont prédisposés à être sympathiques à l'égard des Chinois, ni du communisme chinois, bien au contraire. Mais qu'est-ce que vous appelez le communisme? Les communismes, il y en a 36 formes, c'est pas, il y en a autant qu'on voudra. Alors je crois que la bonne politique, c'est de prendre le risque de laisser, je dirais même, un régime communiste s'installer à Saïgon, en se fondant sur la dynamique nationale de ce régime, le besoin d'indépendance de ce régime. Regardez ce qui s'est passé, je ne parle même pas de la Yougoslavie, c'est une vieille histoire, mais la Roumanie, voilà que la Roumanie, on peut dire, a beau être tout à fait communiste, c'est-à-dire régime les communistes les plus durs, eh bien la Roumanie est totalement indépendante, bien que très exposée, est totalement indépendante de l'Union soviétique. Pourquoi voudriez-vous que le Nord-Vietnam ne soit pas la même chose? Je voudrais bien que le Sud-Vietnam, et d'ailleurs je crois que ce serait la solution rêvée, que le Sud-Vietnam puisse, développer sa propre forme de communisme national comme la Yougoslavie, comme la Roumanie, mais j'ai l'impression que la guerre... C'est pas en faisant ce qu'on fait en ce moment qu'on y arrivera. Non, mais j'ai l'impression que la guerre a trop duré, que de part et d'autre, les ingérences étrangères sont trop grandes pour qu'un communisme national vietnamien puisse se développer. La Chine a déjà un pied considérable dans la péninsule indochinoise et je ne la vois pas très bien le retirant. S'en servirait plutôt de tremplin que d'autre chose. Rien n'empêche les États-Unis de continuer cette guerre pratiquement indéfiniment. Mais je voudrais passer de l'Extrême-Orient au Moyen-Orient, Maurice Delarue. C'est l'événement qui a fait le plus peur à tout le monde, au monde entier. C'est l'événement, c'est un événement qui a beaucoup changé de choses sur place. C'est très important pour les Israéliens d'abord, ça a changé de tout au tout leur situation. Important pour les Arabes aussi, ça les a beaucoup bouleversés. Est-ce que le règlement du problème spécifique des rapports israélo-arabes a beaucoup évolué? Ça, moi, je ne ferai pas de pari. Oui. Mais cette crise a donné l'occasion, ce n'est peut-être que l'occasion, de voir l'arrivée en politique, en force, en Méditerranée, de l'Union soviétique en Méditerranée. Je crois que je crois qu'il y a un autre aspect à cette question, et c'est le fait que une crise grave ayant éclaté dans une partie du monde très proche de l'Europe occidentale, il y a quand même eu un consensus entre les grandes puissances pour ne pas laisser cette crise dégénérer en véritable conflit armé entre les grandes puissances. Et ceci est important. Vous me direz que la Chine n'était pas en cause, et la Chine reste toujours le grand point d'interrogation. Il est évident que dans tout le développement de cette crise du Moyen-Orient, la Russie soviétique, d'une part, comme les États-Unis de l'autre, se sont conduits avec une retenue que l'on n'a pas observée 10 ans auparavant. Oui. Enfin, il n'y a pas seulement la retenue. Je crois que les Russes en particulier ont joué un jeu assez subtil, parce qu'ils ont mis le bras assez loin, puis ils l'ont arrêté. Et si vous voulez, ils ont une politique d'intervention, mais contrôlée, je crois. Un certain dosage. Ils n'ont pas cherché à faire la crise pour la crise, mais ils essayent vraiment de s'en servir. Oui. Hein, je crois que c'est ça. Et on ne réglera plus ce problème sans l'URSS, certainement. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a un lien au sommet, si je puis dire, avec le Moyen-Orient. C'est que je n'imagine pas qu'il puisse y avoir un règlement d'une crise de cette importance dans laquelle l'URSS et par personne interposée, les États-Unis sont mêlés. Il n'y aura pas de règlement dans cette région sans qu'il y ait au moins une ébauche de règlement dans une autre, c'est-à-dire dans le sud-est asiatique. Il est certain que, dans les termes de la diplomatie classique du XIXe siècle, la présence des Russes en Méditerranée est un facteur, enfin, fracassant, si l'on peut dire. Et oui. Les stratèges, je n'en suis pas, prétendent qu'à l'ère des missiles intercontinentaux, que les Russes soient en Méditerranée ou qu'ils soient en Russie, ne fait pas une très grande différence à la menace théorique qui puisse peser sur l'Occident ou sur l'Europe occidentale. Et on dit d'ailleurs que cette menace est maintenant tellement atténuée et que la détente est passé à l'entente et presque à la coopération, il est tout à fait désuet et démodé de parler de menaces soviétiques. Nous avons eu la défense tout azimut dernièrement dans la bouche du général Ayret, thèse qui n'est pas acceptée par tout le monde, Dieu s'en fout, mais qui quand même... et à l'OTAN lui-même fait son chemin. Messieurs, il nous faut conclure. On a vu tout de même une guerre très grave, une crise très chaude se développer aux portes de l'Europe, et cette crise ne s'est pas étendue. Il y a eu, je crois que là, peut-être comme au moment de Cuba, il y a eu une espèce de prise de conscience. Sagesse suprême des plus grandes nations. Oui. Qu'il ne fallait pas faire de bêtises. On peut jouer sur place, mais sans aller plus loin. Je crois que ça, c'est très important pour notre avenir à tous. Charles Harrow. Malgré tous les obstacles qui ont surgi sur la voie de l'unité européenne, il est aussi frappant de constater que cette idée est si forte maintenant qu'on ne peut plus la détruire. Magazine diplomatique, Problèmes internationaux, 1967. Par André Blanc et Louise de Béa, avec Maurice Delarue et Charles Hargrove. Première diffusion sur France Culture le 29 décembre 1967. By your side, always by your side. That cat's something I can't explain. Thank you. left side, he's the right side. Oh no, that got something I can't Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Demain, à la même heure, dernier rendez-vous pour comprendre en 60 minutes ce que fut l'année 1967. Un jeune secrétaire d'État à l'emploi auprès du ministre des Affaires sociales expliquait sur France Culture que la notion de chômage était périmée, qu'être demandeur d'emploi deviendrait bientôt la norme, que le travailleur devait faire face à cette nouveauté avec dignité, que l'on ne parlerait plus d'assistance et de la mise en œuvre de la solidarité nationale et de la solidarité professionnelle, etc., etc. Et surtout, élément de langage ultime, que l'augmentation du chômage, le mot n'était pas interdit, tenait à une transformation et non pas à un malaise. Le nom du secrétaire d'État, le chiffre du chômage en juin 1967, réponse demain à la même heure. Mais aussi la présence de la femme cadre dans la vie économique et enfin un bilan de l'année sociale. Oui, 1968 n'était pas loin. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, prise de son Valérie Lavalard, document INA Aude Vassan, réalisation Clotilde Pivin. Vous pouvez réécouter en ligne ou télécharger cette série sur le site franceculture.fr à la page de l'émission. More than ever, let's spend the night together.